Hey hey, well super, y'a mal entre le bitch-batrack. Lève ta main l'air massé, tchao. Allez, wicked combinaison, c'est nac la rumeur. J'ai punitive, approche-moi la check séance. C'est l'expédition punitive sur les ondes. Check ça, c'est tout man. 9, 4, 7, 8, à clash, on sait qu'on pile man. On ferme des gueules comme d'hab, Mounted dealer. Si tu comptes vivre ici, alors il faut que tu saches. Beaucoup n'ont pas leur place dans ce bled. Car mon état d'âme, tes larmes sèches. Rodé par la xénophobie, je suis M-A-H-O-M-I. Je suis ici et je vois l'ami. Des victimes différentes les unes des autres, c'est votre faute. Force invulnérable de la justice politique, sale, mal faite, fils qui danne. Les familles dans les blocs, tous mes potes dans les halls clament. Trop de drames, trop de cinq morts. Aux armes, forme ton bataillon, nique les normes. Tes rêves innocents finissent dans une tombe. Gagne pour une balle, perdu par les deck immonde. Je répète mec, deck immonde. Au mois de mars, ils menaçaient des femmes si je me trompe. La France où tu vis est un puits pour ton môme. Proche victime de flics, de spies, armés d'un chrome. Lève ton majeur face aux putes qui boycottent. Les xénophobes, ce chien de bande. Lève les deux, c'est bien les fils de l'endebande qui militent. Manifeste ton rap, ton staff, ton honneur. Y'a trop d'actes racistes. Lève ton majeur, lève les deux. Si tu comptes vivre ici alors, prends garde à l'ennemi. Car au fils du port, il prend de l'ampleur. On vient dénoncer Sénacle. Flingue à des îles, issu des Indes de l'Ouest. T'aspect me fait pas les yeux doux. Fier d'être noir, chien de brisé. Port, c'est à toi que je m'adresse. Lève mon majeur face à l'oncle Tom du système. Plus le temps d'ouèche mec. Chaque jour un parti monte, blousé en brigade. Certains, y'a trop de faux frères, c'est la merde. Batman qu'on appelle Bounty ici. But qui suce ceux qui les maudissent dans le pays de la ville. Et les laisse dans l'oubli. Lors du baby boom, nos rampes se rebâtir. S'bled, on fait avec ces zombies. Aristocrate, ministre, les gars de la haute à l'allure sinistre. Qui nous méprise, c'est quoi ce délire? Bande de despotes, sucez mes couilles car avec vos femmes j'ai la cote. À ce propos, vise ta Miss France 2000, perle noire au sexe habile. Chèque, ça te fout la rage, moi je jubile. Dans cette nation où se mélange des origines, ces fils de pute nous contestent, goûte un peu ce que ça engraine. Lève ton majeur face aux putes qui boycottent. Les xénophobes, ce chien de bande. Lève les deux, c'est bien les fils de l'endebande qui militent. Manifeste ton rap, ton staff, ton honneur. Y'a trop d'actes racistes. Lève ton majeur, lève les deux. Si tu comptes vivre ici alors, prends garde à l'ennemi. Car faut fiche du port, il prend l'ampleur. On vient dénoncer, Sénacle, et quoi la rumeur. Je me soulage sur des pages pleines. Me désengage des sujets bateaux. Hostile, criard, trop à l'ancienne. Quel narval au blafard s'agit-il de blâmer? Facile à deviner, suivez mon regard affamé. Ankylosé par l'âge, le surmenage et la rage. Je t'envoie valser le décor et tout ce maquillage. D'un franc parler sans verbiage qui semble-t-il provoque des émules. Au sein de ces colloques branchés en bourgeoisie jusqu'au testicule. S'il y a de l'air dans le gaz, souviens-toi bien de cette phrase, prélude à mon texte. À quoi tu penses quand tu pètes coco? À rien. Alors pourquoi est-ce que tu t'obstines? Regarde ce que tu obtiens. Vieux débris poussiéreux de la old school. Vieille momie sénile qui nous lèche le boule. Plutôt que s'abstenir, se paye de quoi se rajeunir avec des attitudes indignes au goût âcre de l'échec. Faites-moi signe, bande de pouf cake. Si mon poison vous perturbe, vous taille un portrait de bouffon. À vous couper le souffle et l'herbe sous le pied. Ravale ta langue de putain, toi pour qui se rappe. Te donne envie de gerber. Lève ton majeur face aux putes qui boycottent. Les xénophobes, ce chien de bande. Lève les deux, c'est bien les fils de l'endemain qui militent. Manifeste ton rap, ton staff, ton honneur. Y'a trop d'actes racistes. Lève ton majeur, lève les deux. Si tu comptes vivre ici alors, prends garde à l'ennemi. Car faut fiche du port, il prend l'ampleur. On vient dénoncer Sénacle, écoute la rumeur.